toutes et tous. Donc, c'est en tant que présidente de l'Association française de sciences sociales des religions qui me revient d'ouvrir ce colloque. Donc, c'est un colloque qui se tient traditionnellement le premier lundi et le premier mardi du mois de février et qui d'habitude a lieu à rue Pouchet, à l'IRESCO, comme on disait autrefois, du fait du déménagement du GSRL à Ivry. Je suis très heureuse que les organisateurs, organisatrices aient pu trouver ce lieu pour que le colloque puisse se tenir. Donc l'Association française de sciences sociales des religions, c'est une association professionnelle qui réunit des spécialistes de sciences sociales des religions, des sociologues, mais aussi des collègues qui travaillent en histoire, en anthropologie, en géographie, en sciences politiques, et qui nous invite à nouer à l'occasion en particulier de ces colloques, le dialogue avec des collègues travaillant dans d'autres sous-champs de la discipline, mais qui peuvent rencontrer le religieux sur leur terrain. Et l'objectif est vraiment de désenclaver cet objet qu'est le religieux, et je crois que le colloque de l'an passé, sur lequel nous ferons un point tout à l'heure, parti politique et religion, le reflétait tout à fait. Comme d'ailleurs celui d'aujourd'hui. Je me réjouis que ce colloque fasse cette année échanger des spécialistes de la religion et des spécialistes des classes sociales. Et je dirais que, quitte à décevoir un peu les organisateurs et organisatrices, je tiens à souligner que ce n'est pas le premier en date sur ce thème dans le cadre de l'association. Grâce à Bruno Durier, j'ai la liste des colloques qui se sont tenus depuis la création de l'association en 1971, et je peux vous donner au moins trois titres de colloques qui laissent supposer qu'on avait à l'époque déjà beaucoup parlé de classe sociale et religion. En 1975, l'apport de la théorie et des méthodes marxistes à l'étude des religions. En 1979, domination symbolique et hégémonie sociale, perspective historique et sociologique, et en 1986, la théologie de libération. Alors, je donne rendez-vous aux adhérents et adhérentes donc, pour notre assemblée générale qui se tiendra à 12h15. À ce propos, je vous remercie de bien vouloir vous acquitter de votre cotisation, de vous mettre à jour de vos cotisations, dont je rappelle le montant extrêmement modique pour les collègues sans poste et les étudiants et étudiantes, puisque c'est de 5 euros. Les personnes qui participeront à l'AG pourront bénéficier d'un petit repas partagé autour d'un sandwich, et pour cela, il faut vous inscrire au moment où vous donnez votre papier pour votre cotisation à Michel, qui est la jeune femme qui s'occupe de l'accueil du colloque. Malheureuse parce que je suis trop... D'ici là, je vous souhaite un bon début de colloque, et avant de passer la parole à mes collègues, je vous prie de m'excuser parce que j'ai une réunion qui m'empêche d'assister à la matinée, donc je vous retrouverai à 12h15. Bon colloque. Merci.